Chapitre 4e. Royal éléphant de Siam. Prince formidable, ainsi t'est nommé le vieil éléphant, mon compagnon, couché non loin de moi sur la litière odorante, me contait un peu de sa vie et m'enseignait mes devoirs de royal éléphant de Siam. Il y a plus de 100 ans que je suis ici, disait-il. Je suis très vieux et malade, malgré les singes blancs que vous voyez gambader là-haut dans les poutres. Ils sont là pour nous préserver des mauvaises influences et des maladies. Cependant, tous ceux qui étaient avec moi dans ce palais sont morts à quelques jours de distance d'un mal qu'ils prenaient l'un de l'autre, et moi, le plus vieux, je survis. Voilà plusieurs années que je suis seul, et le désespoir était grand à la cour de ne plus posséder qu'un éléphant blanc, et de ne pas en découvrir d'autres, malgré les battues continuelles que l'on faisait dans les forêts. On disait que de grands malheurs menaçaient le royaume, et votre arrivée a dû être une fête pour tout le pays. Pourquoi donc nous considère-t-on avec tant de respect ? Demandai-je. Qu'avons-nous d'extraordinaire ? Parmi les éléphants, au contraire, on semble nous mépriser. J'ai cru comprendre que les hommes, lorsqu'ils meurent, se transforment en animaux, les plus nobles en éléphants et les rois en éléphants blancs. Nous sommes donc d'anciens rois humains. Cependant, je ne me souviens pas d'avoir été ni roi ni homme. Moi non plus, dis-je, je ne me souviens de rien. Mais alors, ce serait donc par jalousie que les éléphants gris nous ont en aversion ? Pas du tout, dit Prince Formidable. Ceux qui n'ont pas approché les hommes sont de vraies bêtes et ne savent rien. Ils croient que la couleur de notre peau vient d'une maladie et ils nous tiennent pour inférieurs à eux, tandis que cette particularité est au contraire un signe de royauté. Vous voyez que ce sont de vrais brutes. J'admirais la sagesse et le savoir de mon nouvel ami, qui avait tant vécu. Je ne pouvais me lasser de l'interroger et il me répondait avec une complaisance inépuisable. Je traduis aujourd'hui en paroles ce qu'il tâchait de me faire comprendre alors en le traduisant lui-même dans le langage très borné des éléphants. Il lui fallait recommencer maintes fois les explications et il ne s'impatientait nullement de mon ignorance, lui qui depuis longtemps comprenait la langue des hommes. « Attention !» me dit-il tout à coup en entendant une lointaine musique. « Voici les talapoins qui viennent vous bénir. » Il s'efforça de me faire entendre ce que c'était que les talapoins. J'eus l'air de comprendre, par politesse, mais en réalité je n'avais rien compris, sinon qu'il s'agissait d'un honneur nouveau qu'on allait me rendre. Précédés de nos officiers et de nos esclaves, trois hommes, très différents des autres, s'avancèrent au son de la musique. Ils avaient la tête rasée, les oreilles saillantes et portaient de longues robes jaunes à larges manches. En entrant, ils ne se prosternèrent pas, ce qui, je l'avoue, me choqua un peu. Le plus vieux marchait au milieu. Il s'arrêta devant moi et commença à parler d'une voix singulière, haute et monotone. Puis, sans se taire, il prit de la main d'un de ses compagnons une houppe à manches d'ivoire, tandis que l'autre lui tendait un bassin plein d'eau. Il trempa la houppe dans l'eau et se mit à m'asperger d'une façon qui m'agaça beaucoup. Je recevais des gouttes d'eau dans les yeux, sur les oreilles, et comme cela durait un peu trop à mon idée, j'arrachai vivement cette houppe de la main du talapoin et l'imbibant bien d'eau, je la secouai sur eux trois, leur rendant ainsi ce qu'ils m'avaient fait. Ils se sauvèrent en riant et en s'essuyant la figure avec leurs manches, et moi je poussai un long cri pour proclamer ma victoire et mon contentement. Cependant, Prince Formidable n'approuva pas ma conduite. Il trouva que j'avais manqué de dignité. Peu après, on vint nous chercher pour nous conduire au bain. Un esclave marchait devant nous en frappant des cymbales pour nous faire faire place, et d'autres élevaient au-dessus de nos têtes de magnifiques parasols. Dans notre parc même, s'étendait un beau lac, et on m'y laissa plonger, nager, barboter cette fois autant que je voulus. La journée terminée par un repas aussi copieux que délicat me parut extrêmement agréable. Il en fut ainsi chaque jour, moins les talapoins qui ne revinrent pas. Une seule heure était un peu pénible, celle où je prenais ma leçon. C'était le soir, avant le coucher. L'homme qui s'était le premier assis sur mon cou restait mon gardien principal, mon maout, et il devait m'instruire, m'apprendre à connaître les ordres indispensables, à comprendre certains mots, en avant, en arrière, à genoux, relève-toi, à droite, à gauche, halte, plus vite, doucement, c'est bien, c'est mal, assez, encore, saluer le roi, etc. Prince Formidable m'aidait beaucoup en me traduisant les ordres en langage d'éléphant, et je sus bientôt tout ce qu'il fallait savoir. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi, fort agréables, mais assez monotone et je n'ai pas grand-chose à en dire. Prince Formidable mourut la seconde année après mon arrivée. On lui fit des funérailles royales et toute la cour prit le deuil. Je restai seul quelque temps, puis d'autres éléphants blancs furent amenés, mais les nouveaux venus, qui ne savaient rien et avaient un caractère ombrageux et rebelle, m'inspirèrent peu d'intérêt. Chapitre 5e. La dot de saphir du ciel. Un jour, mon maout, qui, comme tous les maouts d'ailleurs, avait l'habitude de me faire journellement de longs discours, que j'avais fini par comprendre, se posa devant moi, les bras croisés comme il le faisait quand il voulait être écouté. Je fus tout de suite attentif, car je voyais à son air ému et agité qu'il s'agissait cette fois de quelque chose de grave. « Roi magnanime, me dit-il, devons-nous nous réjouir ou devons-nous pleurer ? Une vie nouvelle est-elle un bien ou est-elle un mal ? Faut-il désirer le changement ou faut-il le redouter ? Voilà les questions qui se balancent dans ma tête comme les deux plateaux d'une bascule. Toi, qui fus un roi et qui maintenant un éléphant, si tu pouvais parler, tu me répondrais ? Tu saurais me dire si, dans tes nombreuses transformations, le changement t'a causé de la joie ou du regret. Ta sagesse mettrait fin à mon anxiété, peut-être. Car peut-être aussi, tu n'en sais pas plus long que moi, et tu me dirais seulement, résignons-nous à ce que nous ne pouvons empêcher, et attendons pour pleurer ou pour nous réjouir que les événements nous aient été bons ou mauvais. Eh bien, faisons ainsi, roi magnanime, résignons-nous et attendons. Ce que nous devons attendre, voilà ce que tu ne sais pas et ce que je vais te dire. Notre grand roi, Phra, Puti, Shuka, Ka, Rap, Si, Klan, Si, Kla, Mom, Ka, Phra, Puti, Sho, car je ne peux nommer le roi sans lui donner tous ses titres, moi, un simple maout, quand le premier ministre lui-même ne le pourrait pas. Notre grand roi, donc, est père de plusieurs princes et aussi d'une princesse, une jolie princesse déjà grande et en âge de se marier. Eh bien, voilà, justement, on la marie. Le roi, Phra, Puti, Shuka, a accordé la princesse Saphir du Ciel à un prince hindou, le prince de Golconde, et ce mariage, qui semble ne nous intéresser que de bien loin, va complètement bouleverser notre vie. Sache, roi magnanime, que ta glorieuse personne fait partie de la dot de la princesse. Oui, c'est ainsi. Sans t'avoir demandé si cela te plaisait, on fait cadeau de toi à un prince inconnu qui, peut-être, n'aura pas pour ta majesté les égards qu'elle mérite. Et moi, le pauvre maout, que suis-je sans le noble éléphant que je conduis ? Et qu'est sa majesté sans moi ? Aussi, on me donne avec toi. Je suis un fragment de la dot royale. Nous sommes liés jusqu'à la mort. Nous ne faisons qu'un. Tu iras donc où je te conduirai, et où tu iras, j'irai. Oh, roi magnanime, devons-nous nous réjouir ou pleurer ? Je ne le savais vraiment pas, et j'étais très troublé de ce que je venais d'apprendre. Quitter cette vie si douce et si tranquille, qui m'ennuyait cependant quelquefois par son inaction et sa monotonie, abandonner ce beau palais si abondamment pourvu de toutes les bonnes choses, de cela on pouvait pleurer, mais aussi voir de nouveaux pays, de nouvelles villes, connaître d'autres aventures, de cela peut-être fallait-il se réjouir. Comme mon maout, je conclus que le meilleur était d'attendre et pour le moment de se résigner. Chapitre 6e. Le départ. Le jour du départ arriva, et de grand matin, les esclaves vinrent faire ma toilette. On me frotta tout le corps, à plusieurs reprises, avec une pommade parfumée de magnolia et de santal. On posa sur mon dos une housse pourpre et or, sur ma tête un réseau de perles, puis le diadème royal. On me mit de gros anneaux d'or aux quatre pieds, et à mes défenses des cercles ornés de pierreries. À chacune de mes oreilles pendait une longue queue de crin, blanche et soyeuse. Ainsi arrangée, j'avais le sentiment de ma splendeur et il me tardait de me montrer au peuple. Cependant, je jetai un dernier regard au palais que j'allais quitter et je poussai quelques cris pour dire adieu aux éléphants qui restaient et avec lesquels je commençais à me lier d'amitié. Ils me répondirent par d'éclatants coups de trompe que j'entendis encore longtemps en m'éloignant. Tous les habitants de Bangkok étaient dehors, comme le jour de mon triomphe. En habit de fête, ils se dirigeaient vers le palais du roi. Là, un magnifique cortège se forma et se mit en marche, précédé par 100 musiciens habillés de costumes rouges et verts. Le roi était monté dans un houda d'or ajouré sur un colossal éléphant noir, un géant parmi les éléphants. À droite et à gauche marchaient le prince et la princesse sur des montures de taille encore plus qu'ordinaire. Le houda de la fiancée était fermé par des franges de pierreries qui la rendaient invisible. Le prince, jeune et beau, avait une physionomie des plus agréables qui m'inspira tout de suite de la sympathie. Je venais après le roi, conduit par Moumaoud qui marchait à pied, et derrière moi, les mandarins, les ministres, les hauts fonctionnaires se groupaient selon leur grade, sur des éléphants ou sur des chevaux, suivis de leurs serviteurs, portant derrière chaque seigneur la théière d'honneur, qui à Siam est l'insigne le plus noble, et dont le plus ou moins de richesse fait connaître l'importance du rang de celui qui la possède. Puis, c'étaient les bagages de la princesse, d'innombrables caisses en bois de teck merveilleusement sculptées. Les cérémonies du mariage étaient déjà accomplies, elles duraient depuis 8 jours. C'était maintenant l'adieu du roi et du peuple à sa princesse, la conduite au quai du départ. On fit une station à la pagode la plus riche de la ville, celle où l'on vénère un Bouddha taillé dans une émeraude qui n'a pas sa pareille au monde, car elle est haute de près d'un mètre et épaisse comme le corps d'un homme. On descendit alors par les rues étroites, traversées de ponts et de canaux, sur la rive du fleuve, le large et beau Meinam. Au loin, on voyait les montagnes d'un bleu foncé sur le ciel lumineux, la chaîne aux 300 pics, le rameau de Sabab, la colline des pierres précieuses. Mais le spectacle qu'offrait le fleuve, tout couvert d'embarcations pavoisées et ornées de fleurs, était incomparable. Il y avait de grandes jonques dorées et pourpres, avec leurs voiles, en paille de bambou, déployées comme un éventail, leurs mâts portant des banderoles, et leur avant bombé, figurant une tête géante de poisson ouvrant de gros yeux fixes. Toutes sortes de barques, des sampans, des radeaux supportant des tentes de soie et qui semblaient des kiosques flottants, tous chargés à sombrer d'une foule joyeuse et bruyante, d'orchestres et de chanteurs qui jouaient et chantaient alternativement. Des salves d'artillerie, dont le tonnerre n'eût pas égalé le bruit, éclatèrent quand le roi parut, et le peuple poussa une acclamation tellement formidable que je serais mort de peur si je n'avais pas été déjà habitué à ne m'étonner de rien. La canonnière qui devait nous emmener dans l'Inde fumait devant un embarcadère magnifiquement décoré. C'était là qu'il fallait se séparer. Le roi et les fiancés descendirent de leurs éléphants. Les mandarins firent la haie et tout le peuple se tut pour écouter. Alors, le roi, maître sacré des têtes, maître sacré des existences, possesseur de tout, seigneur des éléphants blancs, souverain très haut, infaillible et infiniment puissant, fit un discours, tout en mâchant du bétel, qui lui ensanglantait la bouche et l'obligeait à cracher dans un bassin d'argent que tenait un esclave. Le prince, à genoux devant son royal beau-père, fit un autre discours, moins long que le premier et en ne mâchant rien. La fiancée pleurait dans ses voiles. Il fallut s'embarquer, et il y eut un peu de confusion à cause des nombreuses caisses en bois de teck et des chevaux que l'on emmenait et que ma présence effrayait beaucoup. Un long sifflement se fit entendre, les musiques jouèrent, le canon tonna, une oscillation me donna le vertige, et le rivage s'éloigna. Toutes les embarcations nous suivirent d'abord à force de rames et de voiles, mais elles furent bientôt distancées. Le roi se tint debout sur l'embarcadère aussi longtemps qu'il put nous apercevoir. Très ému, je regardais cette ville où j'avais souffert d'abord, puis où j'avais été heureux et glorieux. Mon mahout, adossé contre moi, regardait aussi. Un tournant du fleuve, tout disparut. Alors, nos yeux se rencontrèrent, les siens comme les miens étaient pleins de larmes. « Roi magnanime, dit-il après un instant de silence, attendons pour pleurer ou pour nous réjouir de savoir ce que nous réserve la destinée. » Bientôt, le fleuve devint si large qu'on perdit de vue ses rivages. L'eau se mouvait d'une façon singulière et le navire avec elle, ce qui me causait la plus désagréable des sensations. Peu à peu, on entra en mer. Alors, ce fut horrible. La tête me tourna, les jambes me manquèrent, une souffrance atroce me tordit l'estomac. Je fus honteusement malade et crus 1000 fois à mourir. Aussi, il m'est impossible de rien dire de ce voyage qui est le plus affreux souvenir de ma vie. Jamais, jamais je ne retournerai en mer, à moins que cela ne lui fût utile à elle. Mais, pour toute autre raison, je massacrerai quiconque voudrait me forcer à mettre le pied sur un bateau.